Le maître du ciel récompense Aliquin de sa conduite vertueuse, et le fit nommer gouverneur de Chijin. Il vécut jusqu'à l'âge de 98 ans. Le père de Chao Ping Chong, qui obtint le titre de Kuangyu en la 26e année du règne de Wanli en 1598, avait été autrefois gouverneur d'un district. À cette époque, il y avait un Chi qui gémissait en prison. Chao s'intéressa à lui et réussit à le faire mettre en liberté. Le Chiwei fut pénétré de reconnaissance, et comme il n'avait pas le moyen de le récompenser de ce bienfait, il le pria d'accepter sa fille pour concubine. Mais Chao lui répondit, en faisant avec la main un signe de refus. « Cette fille est issue d'une famille illustre. Cela ne se peut pas, cela ne se peut pas. » Le Chi insista, et reçut constamment la même réponse. Longtemps après, Ping Chong étant un jour en voiture, entendit dire à une personne qui le suivait. Le fils de celui qui a dit « Cela n'est pas possible » obtiendra le titre de Kuangyuan. Ping Chong ayant obtenu ce titre, vint raconter cette circonstance à son père. « Cela s'est passé il y a 20 ans », lui répondit celui-ci. Il n'y a qu'un dieu qui puisse avoir parlé de la sorte. Les deux exemples qui précèdent nous montrent comment sont récompensés ceux qui ne veulent pas forcer les personnes issues de bonnes familles à exercer de vils emplois. Un homme, qui était trésorier de la capitale de la province de Zhejiang, avait employé à son usage une somme considérable appartenant à l'État, et se trouvait hors d'état de la restituer. Wang, juge du département, qui était un homme cupide et cruel, fit saisir sa femme légitime, sa seconde femme et ses filles. Il les mit sur un bateau, les fit conduire sur le lac Siou, et les força de trafiquer de leur charme, afin de remplir le déficit du trésor avec le prix de leur déshonneur. Mais dans la suite la plupart des filles et des petites filles de Wang devinrent des femmes de mauvaise vie. C'est ainsi que le ciel le punit pour avoir forcé des personnes issues d'une bonne famille à exercer un vil métier. Tromper les hommes simples et leur tendre des pièges. Commentaire. Le mot mouan hein, veut dire tromper un homme sans qu'il s'en aperçoive. Le mot me de signifie dresser des embûches à quelqu'un. B. L'expression mouan me veut dire employer quelque stratagème perfide pour faire tomber un homme dans un piège. Les hommes d'un esprit borné sont moins capables que les autres d'apercevoir les embûches qu'on leur tend. Si donc on les trompe, ils sont encore plus dignes de notre commisération. Mais quoi qu'ils soient dépourvus de discernement, ils trouvent toujours des vengeurs dans l'autre monde. Histoire la première année du règne de Wanli, 1573. Il y avait un jour trois hommes qui voyageaient ensemble dans le village de Sui Tse à Chang. Ils arrivèrent à une rivière, mais le bateau qui servait à la passer se trouvait au bord opposé. L'un d'eux était un homme de l'esprit le plus borné. Ses deux camarades lui ordonnèrent de traverser la rivière à la nage pour aller chercher le bateau. Celui-ci ôta ses habits et entra dans l'eau, mais il fut entraîné par la force du courant et faillit de se noyer. Enfin, il atteignit le bateau et le ramena pour passer ses deux compagnons. À peine y était-il monté, qu'il eut le désir de revenir sur le rivage. Ils s'éloignèrent alors avec le bateau, en lui disant « Il est déjà tard, nous n'avons pas le temps de vous attendre. » Mais comme ils étaient sur le point de toucher la terre, l'impétuosité des flots poussa violemment le bateau contre les bords escarpés de la rivière, et le fit couler à fond. Les deux hommes se noyèrent, tandis que leurs camarades se tenaient tranquillement sur le bord opposé. Voilà le châtiment de ceux qui trompent les hommes simples et cherchent à leur tendre des pièges. Désirez le bien d'autrui avec une avidité insatiable. Commentaire. Le mot lent, deux, veut dire prendre une chose avec sa bouche. L'homme qui désire ardemment des richesses est comme celui qui mange sans pouvoir se rassasier. Histoire. Piliou Lang, gouverneur de Nanking, avait été à la tête de la garnison du Shaanxi. À son retour, il rapporta d'immenses richesses. Il fit bâtir dans sa maison un temple à Lao Tzu. Tout le jour, il entretenait un fourneau allumé pour purifier le vermillon, c'est-à-dire pour trouver la pierre philosophale et faire de l'or. Un alchimiste ayant appris que Lang avait une ceinture en jade blanc, qui valait 480 onces d'argent, il la lui emprunta adroitement sous prétexte de l'offrir aux dieux. Mais il la vola avec le vase rempli de vermillon, et prit la fuite. Pendant la nuit, quelqu'un écrivit sur sa porte. Quand on a amassé un monceau d'or et de jade comme une montagne, il faut étudier avec un alchimiste l'art d'épurer le vermillon. Avant que votre vase d'or soit terminé, jetez des tablettes de jade à Lao Tzu, car il aime les ceintures de jade. Lang mourut de dépit et de honte. C'est ainsi que le ciel le punit de son avidité insatiable. Faire des serments à la face des dieux pour protester de sa droiture. Commentaire. L'expression Chiu Tzu veut dire faire des serments devant les dieux. Les mots Kyo Chi signifient vouloir montrer sa droiture, son innocence, son bon droit. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les temples des dieux ni de leur adresser des plaintes écrites. Ce passage s'applique à ceux qui, dans un mouvement de colère, ou dans l'ardeur d'une querelle, prennent à témoin le ciel et la terre. Ils ne songent pas que toute cause est juste ou injuste. Si nous avons raison, notre bon droit finira par éclater au grand jour. Il est inutile de s'emporter avec violence. Si au contraire nous avons tort, la honte de notre conduite retombera naturellement sur nous. À quoi bon faire des serments à la face des dieux? Les hommes pervers savent clairement que leurs actions sont contraires à la morale et à la raison, mais ils jurent à la face des dieux pour imposer silence aux autres. Ils ne songent pas que ces mêmes dieux ont les yeux ouverts sur leur conduite et qu'ils ne souffriront pas leurs mensonges et leurs parjures. On en a vu souvent qui juraient de mourir, en affirmant une chose, et qui mouraient à l'instant même. Histoire. Sous la dynastie des Sui, il y avait dans le district de Yuyin, un homme appelé Chu Yongtong, qui devait à un couvent, 60 boisseaux de millet. Un religieux lui ayant réclamé cette dette, il répondit qu'il l'avait payée depuis longtemps. Aussitôt il fit ce serment devant la statue de Fo. Si je n'ai pas réellement payé cette dette, je veux devenir un bœuf dans ce couvent même. Yongtong étant mort, il naquit dans le couvent un veau jaune qui portait sur le front le nom de Chu Yongtong en lettres blanches. Aussitôt son fils donna au couvent 100 boisseaux de millet et fit réciter des prières au dieu Fo. Le veau mourut au bout d'un mois. On voit par cet exemple qu'il ne faut pas faire de serment à la face des dieux pour protester de sa droiture. Aimer le vin avec passion et s'abandonner au désordre. Commentaire. Les mots Shitsu signifient aimer à boire du vin. Les mots Piloin veulent dire faire des choses contraires à la raison. C'est déjà une assez mauvaise chose que d'aimer le vin, mais on aggrave encore ses fautes lorsqu'on blesse la raison et qu'on viole ses devoirs. L'usage du vin a 12 inconvénients. 1 degré, on perd la sobriété et l'on consomme ses richesses. 2 degrés, le vin est la porte de toutes les maladies. 3 degrés, c'est la source des procès et des querelles. 4 degrés, on découvre son corps d'une manière immodeste, on se dépouille de toute pudeur. 5 degrés, on ternit sa réputation, on dévoile ses propres vices, on oublie les règles du respect. 6 degrés, on perd à jamais sa prudence et sa pénétration. 7 degrés, on ne peut obtenir les choses auxquelles on avait droit, et on dissipe celles qu'on possédait déjà. 8 degrés, on révèle aux autres hommes les choses qu'on devrait cacher. 9 degrés, on néglige ses fonctions et on devient incapable de les remplir. 10 degrés, on commet, dans l'état d'ivresse, une foule de fautes dont on rougit après que les fumées du vin sont dissipées. 11 degrés, les forces du corps s'énervent et s'épuisent. 12 degrés, on s'abandonne sans retenue à la mollesse et au plaisir des sens. On devient aux yeux du public un objet de mépris, on mine sa santé et on contracte des maladies mortelles. Histoire. Sanikéen, l'un des conseillers de l'empereur, avait eu toute sa vie l'habitude de boire. Il mourut d'une hémorragie. Vangtes'Yuan, qui remplissait une charge importante dans le palais, abusait souvent de la facilité qu'il avait à supporter le vin. Un jour il s'enivra et mourut au milieu des plus cruelles douleurs. Les hommes qui ont la passion du vin ne manquent jamais de commettre de graves désordres. Les hommes qui commettent de graves désordres n'ont jamais une bonne mort. Le vin est la première des quatre choses défendues. Les anciens disaient, le vin est la source du malheur. C'est une drogue qui fait perdre la raison. On peut juger par là avec quelle sévérité ils en défendaient l'usage. Disputer avec colère contre ses plus proches parents. Commentaire. Le père et le fils, le frère aîné et le frère cadet, sont les plus proches parents du même sang. Ils sont unis comme la chair et les os. Les mots fentsan signifient se disputer mutuellement avec colère. Le proverbe dit, la concorde attire le bonheur, la discorde donne naissance au crime. Si les parents que le ciel a unis comme la chair et les os, disputent avec colère les uns contre les autres, ils violent les devoirs qui sont la base de la société, et s'attirent toujours les châtiments du ciel. En général, les disputes opiniâtres viennent tantôt de ce que le père ou la mère montrent de la prédilection pour un de leurs enfants, tantôt de ce qu'en partageant un héritage, deux frères oublient les sentiments d'affection qui devraient régner entre eux. Quelquefois aussi, en écoutant les propos de sa femme légitime, et en montrant de la préférence à sa concubine ou à une servante, on donne lieu aux disputes et aux dissensions les plus graves. Le chef de famille doit se conduire suivant la raison. Il ne doit pas écouter aveuglément les propos des personnes d'une condition obscure et d'un esprit borné. Il doit encore recommander à ses enfants d'être patients et indulgents les uns pour les autres. De cette manière, ils ne se disputeront jamais. Histoire. Sous le règne de l'empereur Hongwu, quelqu'un accusa Qingxi d'avoir des intelligences avec Weiyong. Un sergent du tribunal l'ayant arrêté, Qingxi demanda à le remplacer. C'est moi qui suis coupable, s'écria-t-il. Comment pourrais-je souffrir que mon frère aîné fût puni pour moi? Tirez-cadratin, je suis le chef de famille, dit alors Qingyuan. C'est moi qui dois porter la peine du crime. Le frère cadet est innocent. Les deux frères se disputèrent à qui irait en prison. L'empereur fut informé de ce noble dévouement. Des hommes qui montrent de tels sentiments, s'écria-t-il, sont incapables d'entrer dans un complot criminel. Il leur pardonna et leur donna des emplois. Lorsqu'on voit deux frères rivaliser ainsi de dévouement, et demander à être punis l'un pour l'autre, Pourrait-on désormais se disputer avec colère contre ses plus proches parents? Être homme et n'avoir ni sincérité, ni droiture. Commentaire. Le mot chong, 3, veut dire vrai, sincère. L'expression puchong signifie fourbe, trompeur. Le mot liang, 4, veut dire droit. L'expression puliang signifie dépravé, perfide. Lorsqu'on a le bonheur d'être homme, on doit, si l'on est dans une position élevée, observer les lois de l'État, remplir fidèlement les devoirs de sa charge, se distinguer par ses talents littéraires, chercher le bonheur de son siècle, et transmettre à la postérité d'utiles enseignements. Si l'on est dans une humble condition, on doit être humain, généreux et sincère, et se contenter de son sort. De cette manière, nous répondrons dignement aux bienfaits du ciel et de la terre, qui nous ont donné la vie. Mais si nous sommes faux, rusés, et dépourvus de sincérité, perfides, dépravés, et dépourvus de droiture, il est certain que le ciel ne le souffrira pas, et que les lois de l'État ne manqueront pas de nous punir de mort. Histoire et Changchun était ministre d'État sous le règne de Yitzhong, de la dynastie des Song. Il ne s'occupait qu'à ourdir de perfides complots. Il mourut en exil à Megaoktecheou. Quelque temps après, comme l'empereur était à la chasse, il tomba une pluie violente qui l'obligea de se mettre à l'abri dans la maison d'un homme du peuple. Le tonnerre gronda avec violence, et la foudre tua un homme, une femme et un petit garçon. L'homme et la femme portaient sur le dos des caractères rouges qu'on ne pouvait lire, mais sur le dos du petit garçon, on lisait les 6 mots suivants écrits en caractères chuan antiques. C'était CH'N Changchun et Ouchin, c'est-à-dire, enfant issu de Changchun, qui fut un sujet révolté. L'empereur s'écria. Changchun fut un ministre dépourvu de sincérité, un homme dépourvu de droiture. Ne doit-on pas être saisi de crainte, en voyant punir de la sorte les ministres qui font le malheur du peuple et qui compromettent les intérêts de l'État? Quant aux hommes du peuple, qui vivent dans une condition obscure, il est aisé de voir qu'ils n'échapperont pas non plus au châtiment du ciel, s'ils sont dépourvus de sincérité et de droiture. Être femme, et n'avoir ni douceur ni obéissance. Commentaire. L'expression poujou veut dire ici un caractère violent et emporté, qui manque complètement d'aménité et de douceur. L'expression pouching veut dire ici un caractère revêche et opiniâtre, qui ne sait ni se plier, ni obéir de bonne grâce aux volontés des autres. Lorsqu'on est avec un corps de femme, c'est un malheur qu'on s'est attiré par les fautes de sa vie passée. Si on n'a ni douceur, ni obéissance, non seulement on ne pourra aider son mari, ni donner le bon exemple à ses enfants pour élever une maison riche et florissante, mais on verra encore s'abréger la durée de la vie présente. Et lorsqu'on reviendra sur la terre par une nouvelle métempsychose, on ne pourra même obtenir de passer dans le corps d'une femme. Histoire homme appelé Chang, du pays de Th'NGT, était réduit à une extrême détresse, et ne se nourrissait que de blé. Mais sa femme ne pouvait souffrir le goût du blé, et tout le jour elle accablait son mari de reproches amers et d'injures. Une vieille femme de ses voisines lui fit des représentations, et lui dit, toute femme riche ou pauvre doit se plier de bonne grâce aux volontés de son mari. Quant au boire et au manger, elle ne doit y chercher que le moyen d'apaiser sa faim. À quoi bon se laisser aller à la colère et aux injures? Cette femme fut sourde à ses sages avis, et continua à injurier son mari. Un jour qu'elle préparait le déjeuner, tout le froment se changea en papillons qui s'envolèrent dans la chambre. Elle éprouva au même moment de vives douleurs dans le cœur, et mourut quelques jours après. Nous voyons quelquefois des femmes bien coupables. Les unes veulent faire la loi à leur mari, les autres manquent de respect à leur beau-père et à leur belle-mère. Celles-ci sont en discorde avec leur belle-sœur, celles-là traitent les servantes avec une rigueur qui tient de la cruauté. Si une femme est née avec un caractère vicieux et emporté, et qu'elle le conserve chez son mari, c'est qu'il entretient ses mauvaises dispositions par une coupable indulgence. On dit communément, instruisez vos enfants dès leur bas âge, instruisez vos femmes dès le moment qu'elles entrent chez vous. Un mari doit, en toute occasion, instruire sa femme suivant les principes de la raison. Il ne doit pas se laisser aveugler par son amour pour elle, et souffrir ses caprices et ses travers. Il doit éviter surtout d'ajouter foi à ses vains propos. Quant aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, et qui reçoivent du matin au soir les instructions de leur père et mère, il ne faut pas permettre qu'elles s'abandonnent à une folle gaieté ni au mouvement de la colère. Qu'elles servent aujourd'hui leur père et leur mère, comme elles devront servir dans la suite leur beau-père et leur belle-mère, qu'elles traitent avec égard leurs frères et leurs sœurs, comme elles devront traiter dans la suite les femmes de leurs frères ou les sœurs de leur mari, qu'elles commandent aux domestiques de leurs parents, comme elles devront commander dans la suite à leurs propres domestiques. Pour peu qu'elles s'écartent de cette ligne de conduite, il faut leur adresser des réprimandes et leur enseigner leurs devoirs. On ne doit jamais avoir la moindre indulgence pour leurs fautes. De cette manière, elles réformeront à la longue leur caractère, et elles acquerront sans effort cette douceur et cette obéissance que nous recommandons. Ne pas vivre en bonne intelligence avec sa femme. Commentaire. L'accord et la bonne intelligence du mari et de la femme font toujours fleurir le bonheur domestique. Mais s'ils se querellent du matin au soir, s'ils ne veulent point vivre unis de cœur et de volonté, non seulement ils s'exposeront au mépris et à la risée du public, mais encore ils ne pourront réussir à élever une maison riche et heureuse. La plupart des maris d'aujourd'hui ne savent point gouverner leur maison. Si leur femme est violente et emportée, ils se laissent mener par elle. S'ils ont une femme qui aime à parler, ils la laissent commander aux domestiques d'une voix forte et bruyante. S'ils ont une femme d'un caractère simple et d'un esprit borné, ils ne savent pas l'instruire et la diriger. Comment peuvent-ils vivre en bonne intelligence avec leur femme? Ils ignorent que nous autres hommes, quand nous sommes dans la misère et la détresse, nous trouvons encore des amis qui nous consolent. Nous avons des livres qui nous procurent de douces jouissances. Mais une jeune femme qui est loin de son père, de sa mère et de ses frères, n'a pendant toute sa vie d'autre appui que l'époux qu'on lui a donné. Comment peut-on avoir le cœur assez dur pour ne pas vivre en bonne intelligence avec elle? Si votre femme est violente et emportée, faites-lui de sages remontrances. Si elle aime à parler, mettez un frein à sa langue. Si elle est d'un esprit borné, apprenez-lui à connaître ses devoirs. Si elle est laide de figure, songez que votre union avec elle a été déterminée par le ciel depuis des siècles. Si elle n'apporte qu'une faible dot, songez que le destin n'a pas permis que vous eussiez une femme riche. Quiconque suivra ses avis, vivra toujours en bonne intelligence avec sa femme. Nous engageons les maris à les bien méditer. Histoire de Changongjin, qui habitait sur le mont Qingshan, était un homme rempli de droiture. Il avait une femme légitime et 5 femmes du second rang, et jamais elle ne faisait entendre de plainte ni de murmure. Quelqu'un lui en ayant demandé la cause, il répondit. Je défends seulement à mes nouvelles femmes de s'enquérir de celles que j'ai eues auparavant. Voilà ce qui les rend tranquilles et contentes. L'union et la bonne intelligence régnèrent constamment dans la maison de Chang, et toutes les personnes qui la composaient arrivèrent à la vieillesse la plus avancée. Il eut un grand nombre de fils et de petits-fils qui obtinrent de brillants honneurs. Le bonheur qui accompagne ceux qui ont vécu en bonne intelligence avec leurs femmes peut donner une juste idée des malheurs qui sont réservés à ceux qui tiennent une conduite opposée. Ne pas respecter son mari. Commentaire. Le mari est la providence de sa femme, c'est de lui seul qu'elle tient toutes les choses nécessaires à la vie. Comment pourrait-elle ne pas le respecter? Si son mari a des torts, elle doit lui faire doucement des représentations. S'il est dur et inhumain, elle doit se montrer patiente et résignée. En général, si une femme ne respecte pas son mari, c'est qu'elle est acariâtre, jalouse ou débauchée. Cependant, lorsqu'une personne naît avec un corps de femme, ce malheur est toujours la conséquence des crimes qu'elle a commis dans sa vie passée. Si elle les aggrave encore en manquant de respect à son mari, elle s'expose à parcourir, après sa mort, une des trois carrières malheureuses qu'on appelle au Tao. Histoire Tuki était un homme d'un caractère faible et craintif, et il avait une femme violente et emportée qui lui manquait de respect à tous les instants. Tuki étant devenu vieux, fut affligé souvent de graves maladies, mais sa femme ne daignait pas même le regarder. Un jour elle mourut subitement. À peine fut-elle inhumée, que son cercueil se brisa, et son cadavre se changea en un monstre hideux qui s'enfuit dans une forêt. Voilà le châtiment des femmes qui manquent de respect à leur mari. Dès qu'elles ont passé dans le corps d'un animal, il leur est difficile, même après des milliers de siècles, de recouvrer un corps humain. Comment ne réfléchissent-elles pas sur les conséquences de ce crime? Aimer à se vanter en toute occasion. Commentaire. Le mot mei hein, veut dire constamment, toujours. Le mot ao de signifie se réjouir de, se plaire à. L'expression kinkwa veut dire être vain et présomptueux. Parler de soi avec emphase et traiter les autres avec mépris. Nous voyons beaucoup de personnes et de choses qui l'emportent les unes sur les autres, mais dans ce monde,